en écoutant CKRL au 89.1, vous êtes peut-être en train de préparer à manger et peut-être même en train de suivre le fameux guide alimentaire canadien que nous connaissons depuis notre jeunesse, cet arc-en-ciel qui propose des portions des quatre groupes alimentaires à consommer tous les jours pour être en santé. Alors, saviez-vous que plusieurs autres pays ont également leur propre guide et que cela peut varier parfois quand même sensiblement? Alors, Christiane Dupont va nous faire connaître l'histoire des guides alimentaires et nous faire voyager en même temps. Bonjour Christiane. Bonjour François. Alors Christiane, depuis quand le guide alimentaire canadien existe-t-il et en fait, d'où vient cette idée que l'État doit suggérer à la population qu'est-ce qu'elle doit manger? Bien, ça fait assez longtemps quand même. Saviez-vous que le guide alimentaire canadien est le document le plus demandé après les formulaires d'impôts, le document fédéral que les citoyens demandent? Donc, il y a un intérêt, là, oui, parce que c'est volontaire. Oui, parce que c'est connu aussi, hein, depuis l'école primaire, on parle du guide alimentaire canadien, on a les genres de quatre bandes de couleurs et quatre groupes alimentaires. Donc, le but du guide alimentaire canadien, c'est de promouvoir une alimentation qui rencontre les besoins en nutriments, donc certains besoins en calcium, en fer, en vitamines, etc., et qui réduit les problèmes de santé. Donc, c'est ça l'objectif de ce guide-là. Le premier guide canadien a vu le jour en 1942. Oh. Dans le temps de la guerre, en fait. L'idée à la base de ça, ça suit les États-Unis qui ont été créés quelques années avant. C'est pour guider les Canadiens durant la Deuxième Guerre, où il y avait probablement une variété d'aliments, peut-être moins. La bouffe était rationnée, probablement, oui, aussi, j'imagine. Oui, probablement. Les gens n'avaient pas beaucoup de sous. Donc, c'était quand même un peu pour dire, bon, vous devriez focusser là-dessus pour avoir une alimentation équilibrée. Équilibrée, malgré les circonstances. Exactement. Et puis, ça s'appelle le guide alimentaire depuis 1962. Avant, ça avait d'autres noms. Comme la plupart des gens le savent, il y a quatre grands groupes. Les fruits et légumes, les produits céréaliers, les produits laitiers et substituts et viande et substituts. Il y a aussi toujours une petite case où genre les autres, genre les gras, les sucres, les choses qu'on ne peut pas inclure dans rien, mais qui existent, le chocolat, des choses comme ça. Les bonbons, ça se mange, mais c'est pas dans les quatre groupes. Il y a toujours ce côté-là aussi. Et fait inusité, il existe aussi un guide alimentaire canadien pour les populations autochtones. Je crois que peu de gens le savaient. Moi non plus, je ne le savais pas avant mes recherches. Est-ce qu'il y a des fruits et légumes là-dedans? Oui, il y a des fruits et légumes, mais il est adapté pour les populations autochtones. On peut le consulter sur le site de Santé Canada. Et on voit, la disposition est différente. Il y a vraiment une emphase plus mise sur la viande de gibier et les poissons. Bon, qui se sont rapprochés de leur alimentation plus traditionnelle. Parce que, par exemple, les Inuits mangeaient quasiment l'hiver juste de la viande crue. Oui, c'était ça. Juste ça, ou presque. C'est ça. Donc, maintenant, il y a quand même les produits céréaliers, produits laitiers qui n'étaient pas vraiment présents dans leur alimentation et qui est moins mis de l'avant parce que métaboliquement aussi, historiquement, c'est quelque chose qui n'est pas présent, donc c'est peut-être pas la meilleure chose pour eux. Pour eux, oui. Et on voit aussi que, comme le guide alimentaire normal canadien promouvoit l'activité physique, le guide alimentaire pour les Autochtones va miser aussi sur les activités de chasse, la pêche. On voit un Inuit en train de pêcher. Tu sais, il y a comme pour un peu renforcer la culture traditionnelle. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est les États-Unis, comme je disais, qui ont initié l'idée du guide alimentaire. Les premières recommandations, c'est pas nécessairement l'État, mais c'est quelqu'un de l'État qui avait fait ça, c'est en 1894, donc c'était quand même un certain temps. En 1916, il y a eu un guide pour les enfants, donc comment bien nourrir les enfants. Donc avant les adultes, il y a eu aussi, plus officiel, il y a eu l'État américain qui a comment bien nourrir les jeunes enfants. C'est quand même étonnant, je ne voudrais pas être ironique, mais on a l'impression qu'il n'est pas très suivi. Là. Non. Il a évolué, mais je vais revenir un peu plus loin. D'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord avec ces guides-là. Et puis, en 1941, donc un an avant le guide alimentaire canadien, il y a eu un premier guide des nutriments nécessaires. Donc, c'est là que ça a commencé. Combien on aurait besoin de fer par jour, de calcium, de vitamines. Donc, maintenant, on va sur les produits, il y a des informations nutritionnelles, il y a des pourcentages, ça vient un peu de là à l'origine. Il y a aussi la manière, je dirais, pyramidale de présenter un guide alimentaire qui est très utilisé, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qu'on ne voit pas au Canada. Sinon, c'est comme des bandes. Aux États-Unis, c'est maintenant actualisé, c'est comme une assiette, là, depuis pas très longtemps. Mais il y a une manière pyramidale, donc comme c'est la base, c'est ce qu'on consomme en plus grande quantité vers le plus petit ou c'est ce qu'on consomme le moins. D'accord. Ça visualise l'importance des groupes alimentaires. La première pyramide vient, en fait, la manière de présenter ça, c'est la Suède, en 1974. Mais maintenant, plus de 25 pays utilisent la pyramide pour présenter ce qu'ils suggèrent à manger à leur population. Donc, en Suède, la pyramide était divisée à l'origine. Nourriture de base, c'était lait, fromage, pain. Ensuite, les légumes. Ensuite, la viande, poisson, les œufs. Okay. Donc, Le fromage pain, c'est un peu comme un ensemble, alors que maintenant, c'est séparé. Il y a vraiment une évolution avec le temps. Au fil des connaissances. Des connaissances. Et d'ailleurs, justement, les guides alimentaires ne font pas l'unanimité parce qu'ils ne sont souvent pas adaptés aux dernières découvertes en nutrition. En 2013, 2012, en 2011, il y a eu des fois tel aliment, finalement, faut pas le prendre en trop grande quantité. Il y a plein de nouvelles recherches et les guides ne sont pas actualisés. Puis aussi, je pense qu'on tient compte du point de vue des compagnies qui... Oui. D'alimentation. Il faut pas oublier que c'est ça, les guides ont souvent été développés de pair avec l'industrie. Il faut avoir un œil critique. C'est un fait. Par exemple, l'industrie du lait aux États-Unis et probablement au Canada, il y a bien sûr des scientifiques, je n'enlève pas cette valeur-là, mais il y a l'industrie qui a son mot à dire. Et puis, semble-t-il que, par exemple, la bande du lait aux États-Unis, là maintenant c'est différent, mais était plus colorée justement pour attirer l'attention. Il y a toute une... OK. Alors que plusieurs cultures... Presque du marketing à la limite. Oui. Donc, alors que plusieurs cultures n'en consomment à l'origine pas. Oui, tout à fait. Et peuvent se porter bien aussi. Oui, puis aussi, on sait aussi qu'on peut développer une intolérance au lactose exactement. En vieillissant. Puis, il y a aussi quelque chose, c'est que... miser sur les nutriments, c'est important, sauf que ça ouvre la place à des produits enrichis qui peuvent être assez mauvais pour la santé. Il y a plein de sucre, plein de gras, mais on a ajouté des vitamines. Et alors, ça rentre dans le guide, alors que c'est à la base pas nécessairement sain. Donc, je pourrais manger un hamburger, 3 tasses de lait, 3% par jour, et je suis le guide alimentaire. C'est un fait, et c'est prouvé que ça donne des problèmes cardiaques et des risques de cancer si on consomme ça souvent. Donc, bref, il y a des gens qui sont plus ou moins d'accord parfois. Beaucoup de scientifiques disent que les légumes devraient être à la base. À la base, OK. En bas des les produits fruits et céréaliers. Légumes, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Les fruits et légumes devraient être à la base et les produits céréaliers par-dessus. OK. Et la viande, toujours un peu dans le haut de la pyramide. Oui. Il faut avoir des protéines, mais... quand même. Oui, c'est de bonne qualité, mais pas de grande quantité. C'est ça, exactement. Exactement. Alors, tout à l'heure, on disait justement qu'il y avait beaucoup de pays qui avaient adopté des guides alimentaires. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, je trouvais ça intéressant. Même la Grèce antique en avait un dans le temps. Ah oui? Il est très drôle parce qu'il suggère beaucoup de vin. Il y a toujours du vin. Il disait saisonnier, c'était un régime d'été, un régime d'hiver. Et en tout cas, à nos yeux, maintenant, ça semble très peu sain parce qu'il ne suggérait aucun légume pendant l'hiver. OK. Est-ce qu'il y avait de l'huile d'olive aussi? Pas encore, mais c'était différent. Parce qu'on sait que le régime méditerranéen est quand même bon pour la santé. Mais dans la Grèce antique, probablement qu'il y avait peut-être une autre approche aussi, mais beaucoup de vin. Okay. Il y avait beaucoup de vin. En Chine impériale aussi, il y avait des guides alimentaires selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc, ça fait longtemps que l'État recommande certains. Juste en rafale comme ça, par exemple, en Australie, c'est montré en pourcentage. Donc, vous devez manger 20% de fruits, 20%, ça marche en pourcentage. En Autriche, présenté en une pyramide de 25 blocs. Il doit y avoir des guides plus ou moins faciles à suivre. Oui, c'est un fait. 25 blocs, chaque bloc est une portion. Donc, tu as 5 blocs de fruits, 4 blocs de céréales. Okay. Alors que ça, le problème aussi avec les guides, c'est que c'est un peu aride, je crois, pour la plupart des gens. Même le guide alimentaire, 5 portions de légumes, là, peu de gens comptent leurs portions. Puis on ne sait pas non plus, une pomme, est-ce que c'est une portion, ça? Je crois que oui, c'est ça, mais une demi-tasse de haricots verts, ça devient un demi-bagel, c'est une portion de céréales, donc un bagel, c'en est deux. Okay. Ce n'est pas si évident que ça. Quand on mange des raisins, combien de raisins ça prend pour une portion? Je pense que personne ne les compte vraiment non plus. C'est pas évident. Là, c'est moins évident, et puis je vais venir, justement, il y a un pays qui a une approche tout à fait novatrice, qui est d'ailleurs à l'encontre de tout ça. Lequel? Le Brésil, alors je vais en parler, c'est très intéressant. Par exemple, la Chine, eux, c'est des étages. Donc, ils mettent le soya plus en évidence parce qu'en Chine, c'est plus présent. Le Danemark, par exemple, va recommander des portions. Il va aussi recommander couper le sucre, couper le gras, manger varié. Il y a des pays qui énoncent certains faits, des lignes directrices, alors que d'autres ont juste un graphique. C'est ça, qui parle seulement que des aliments, c'est ça. Oui, la France, c'est intéressant parce qu'ils ont des guides adaptés selon le style de vie. Il y a plusieurs guides alimentaires selon la nature de la personne. Moi, si j'adore cuisiner, puis je vais prendre un tel guide. Moi, je n'aime vraiment pas cuisiner. Je vais en prendre un autre. Ceux qui vont beaucoup au restaurant vont en prendre un autre. Donc, c'est très adapté, personnalisé, effectivement, au type de... Oui, donc, moi, je trouve que ça peut être aussi une approche intéressante parce que un guide comme ça, ça parle à tout et personne des fois. Exactement. Par exemple, en Inde, leur guide alimentaire, à la base, c'est les légumineuses et le riz. Eux, c'est ça qu'à la base, il n'y a pas vraiment de pain. Donc, les légumineuses sont importantes. Les légumes en deuxième et la viande en troisième. Au Japon, par exemple, ils recommandent, il y a les algues, les champignons, parce que c'est quelque chose de très fréquent. Puis le Japon est un des pays où le lait est est en dernier un peu. Ça va avec fruits et lait en dernier. Puis ça, c'est... Même les fruits, ils mettent ça dans le haut de la pyramide. Parce qu'ils ne mangent pas très sucré au Japon. Donc, il faut dire aussi que c'est ancestralement pas du tout des consommateurs de produits laitiers. Donc, pour eux, le lait, c'est quelque chose un peu de... accessoire. D'accord. Et si on parlait du Brésil maintenant? Bien, justement, le Brésil, très intéressant parce qu'eux, ils ont fait le ménage. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une consultation de la population. C'est très, très nouveau. Je crois que c'est au mois de mai qu'ils vont essayer de passer. Ils ont fait table rase. Oui, et puis, au lieu d'aller avec des portions, des pourcentages, c'est vrai que ça donne une idée, mais je crois que les gens... calculent pas leurs portions comme ça. Il y a peu de gens qui... Et c'est pas nécessairement la meilleure manière non plus de fonctionner. Sans réponse, parce que l'obésité est grandissante au Brésil. Et puis, ils ont une nourriture ancestrale qui est souvent des légumineuses, du riz, qui est assez bonne. Mais maintenant, manger des hamburgers, c'est comme monter dans l'échelon social. Ah, ça veut dire que tu as de l'argent. Ça veut dire que tu as de l'argent, que tu es capable de te payer ça. Okay. Donc, très novateur. Il n'y a pas d'arc-en-ciel, de pyramide. C'est des recommandations. Et ils sont assez... il n'y a pas de biais de l'industrie. Okay. Donc, je vais vous les lire parce que moi, je trouve ça intéressant. Oui, tout à fait. Donc, leurs 10 recommandations au Brésil, c'est juste ça. C'est préparer des repas avec des ingrédients frais. Donc, avec ça, on ne peut pas se tromper. Alors, si c'est frais, puis on cuisine, d'habitude, il y a des légumes. D'habitude, il va y avoir des aliments intéressants. Utiliser, huile, gras, sel, sucre en modération. Limiter la consommation de produits préparés. Comme ça, les autres, ils suggèrent vraiment ça. De manger à des heures régulières et d'éviter le multitâche. Donc, pas faire plein de choses en mangeant. Essayer d'être confortable et éviter les endroits bruyants et les buffets où il y a trop de nourriture. Okay. Manger avec les autres quand c'est possible, parce qu'il y a des études qui prouvent que manger avec les autres, on mange mieux. Les enfants vont manger plus de légumes aussi. Okay. Quand ils vont manger en famille, quand ils vont manger seuls. Ils suggèrent, ils disent, allez acheter vos produits dans un marché de produits frais et non pas dans un magasin où ils vendent beaucoup de produits préparés. Développez votre pratique et votre goût de la cuisine. Décidez en famille des responsabilités de la cuisine pour que tout le monde participe. Choisissez un restaurant qui fait la promotion de produits frais. Et le dernier, soyez critique des publicités de l'industrie alimentaire. Ah, c'est très pertinent. C'est très pertinent, mais c'est surtout très différent de tous les autres guides mondiaux. Il y a eu beaucoup de... Il en parlait dans le Globe and Mail de ça. Ça a fait un peu la une. Puis il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ces lignes-là parce que c'est comment bien manger. Puis c'est prouvé que quand on prend le temps de bien manger puis de cuisiner... on va manger équilibré et non pas en comptant des portions particulières. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ce qui m'a donné l'idée de... De faire la chronique. C'est vrai que c'est tout un changement, en espérant que ça puisse influencer le Canada un jour. Oui, puis que les gens qui écoutent, je pense que c'est des bonnes recommandations qui sont moins lourdes à suivre, qui donnent un aspect de plaisir. Oui, et environnemental aussi. Pas rien que de dire manger ceci, manger cela. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Christiane. On va faire une pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle des monarques.